Immermann. Les trois jeunes filles. Traînez mon fauteuil à la porte. Apportez-moi d'un vieux vin qu'aujourd'hui je me réconforte au gai soleil du matin. Le vieux roi dit et se transfère dehors au soleil levant. Il regardait dans son grand verre, ses cheveux flottaient au vent. Au vent flottait sa chevelure, son œil devenait altier. Trois vierges à la verte allure descendirent le sentier. Elles allaient à la fontaine pour remplir leurs cruches d'eau. Elles s'arrêtèrent au chêne. « Salut, seigneur du hameau !» Le roi dit main propos aimable à la première beauté. Quand vint l'autre, il sortit de table et regarda de côté. Elle primait sur ses voisines comme une sœur de Péri. Telle en mai, le long des collines, brille le pommier fleuri. « Que vous a donc fait mon langage pour vous montrer peu galant ?» Mais le roi baissa son visage et se tourna chancelant. La vierge alla sauter joyeuse vers la source du vallon, lui glissa l'âme soucieuse vers son splendide salon. Le doyen du chapitre. Dans le cercueil, à découvert, orné de crêpes et de jais verts, gisait le corps non recouvert de Raymond, doyen du chapitre, jadis élu, souvent arbitre, par les candidats à la mitre. Attristés, les religieux chantaient des cantiques pieux, les réponses semblaient soucieux. Et du peuple, la vaste foule poussait et repoussait sa houle pour voir le guérisseur d'ampoule. Quand l'office fut terminé, de l'ordre on entendit l'aîné, que ton jeu mort est effréné. Si toute humaine créature ne devenait point ta pâture, cette lumière vive et pure eût à toujours jeté son feu. Repose en paix dans le saint lieu, notre guide sous l'œil de Dieu. Là-dessus sortit d'une bande un garçonnet pour faire offrande des tristes fleurs de sa guirlande. Puis il ajouta larmoyant « Reçois ce cadeau verdoyant des chers petits qui t'aimaient tant ». Et l'on vit venir un malade, il n'avançait que par saccade et fit cette jérémiade. « Ah, quel autre homme à notre sort va donc apporter réconfort quand tu gis au bras de la mort ?» À son tour marcha vers la bière le courrier royal à grande air, et dit en levant la paupière, « Au nom du roi, je fais savoir aux quatre vents de ce ciel noir que cet homme a fait son devoir. Que ce saint choya la semence des œuvres de la Providence et qu'il reçoit sa récompense. » Et les cantiques de nouveau retentirent sur le tombeau, dans le cœur au sombre rideau. On souleva, mais non sans peine, le couvercle en beau bois de chêne. Soudain, merveille surhumaine, un bruit se fait sous le linceul, et le mort, se levant tout seul, dit, restant droit comme un tilleul, « Devant Dieu j'ai dû comparaître, je suis jugé par le grand maître, je suis damné comme un vil traître. On peut satisfaire au devoir en grimaçant matin et soir, de tromper Dieu l'on a pouvoir. »